brume si tu veux briller. 2017, on fait la guerre pour avoir la paix. Je les ai vus chanter, passer devant moi, j'ai pas parlé. Mon tour est venu, je vais le garder jusqu'à la moitié. Ce soir, je suis pas d'humeur à faire la fête. Ma dame a dans le viseur, elle prend la tête. Quand je vois son poule bomber, j'ai des mal de tête. Elle est bonne, elle a tout ce qu'il faut, mais j'ai dû la nexter. Changer le monde si je pouvais, je vois des trucs en vrai pas blouré. Hier elle était magnifique, aujourd'hui je la baiserai même pas bourré. T'étais mon strap, tu m'as douillé, à faire du sale on est doué. Je vois que t'es d'humeur à tout casser, mais c'est ta femme qui t'a brouillé. Oh là là là là là là, tu t'es vraiment laissé aller. Oh là là là là là là, je la taper mais elle veut se caler. Oh là là là là là là, j'ai fumé la kitchi calée. Quand tu parles, tu l'as pisté, elle t'a pisté. Tu l'as piqué, elle t'a piqué. Tu l'as pisté, elle t'a pisté. Tu l'as piqué, elle t'a piqué. J'abouche dans la belvédère, j'suis pété depuis avant-hier. Tu parles sur mon dos, mais t'as l'air soir que j'ai croisé ta mère. J'ai plus que j'fais, j'ai perdu mon tel. Quand j'suis déchiré, j'suis mortel. Dans 2 heures, j'dois tourner un clip, comme elle me dit, frère, sur la bouteille. J'fixe la lune, bouteille à la main. J'ai frite sur la ramène. Dans ses bras, j'oublie tout. J'suis dépensé de la veine. Ah, je fais sang dans le ventre, c'est terre. Allez, viens par la compte, goûte cette terre. On s'est mis sous popo et on s'éctème. Y'a du pochon bleu dans ton secteur. Ouais, j'l'ai pas, mais j'me crois tout permis. Ramène tes rappeurs, j'les baisse par mille. Je sais même plus où je suis.